Je m'appelle Victoire Matahouchek. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Je n'ai jamais, tu m'entends, jamais manqué une élection. Revenons à IBM. Tu dis trois enfants, quand même, ça va comme ça. Vive l'homosexualité si c'est ça qui la rend heureuse. Le film de la veille, c'était pas par hasard. Guillaume, parlons un peu de Guillaume. Notre Guillaume. Guillaume qui n'était vraiment pas doué pour les études. Guillaume était un artiste né. Il est vraiment doué. Il fait l'école nationale d'art de Cergy-Pontoise. Si tu prends la... ça fait ENA. Léna de Cergy-Pontoise, photos, dessins, vidéos, tout. Et il va faire carrière là-dedans. Il rencontre Marie. Et un peu comme mon père a rencontré maman, de ce jour, il ne l'a plus quitté. Marie, au départ, il est encore étudiant. Et donc, très rapidement, Marie est enceinte. Et donc, Guillaume vient nous voir à Châtenay, Malabry, et nous annonce que Marie attend un bébé. On n'a jamais vu Marie, nous. Bien. Eh bien, c'est très bien, ça. Et on ne veut pas lui dire qu'on est quand même très, très désolé. Il est étudiant, il est très jeune, il vient d'avoir 22 ans. Et c'est un gamin, quoi. Mais elle, elle a quelques années de plus. Et bon, alors il va, et très rapidement, elle ne peut plus travailler. Ah oui, parce qu'elle gagnait sa vie. C'est comme ça qu'elle a connu Guillaume, je pense. Elle travaillait au théâtre de la Colline. Elle tenait le bar-resto et dessous. Elle adorait cette vie-là parce qu'elle avait tous les artistes qui étaient là, une vie un peu nocturne. Elle gérait ça. Elle était familière de ce genre de boulot. Et une fille qui, par ailleurs, a énormément de talent artistique, mais il faut pouvoir vivre et gagner sa vie. Donc elle est à Paris, elle est contente, elle vit sa vie libre. Et puis voilà, Tipa, qu'il y a Guillaume qui arrive dans sa vie. C'est le propre des Guillaumes, d'arriver dans la vie de quelqu'un. C'est ça. Et ils s'installent. Et ils ne partent plus. Et ils ne veulent plus partir. C'est quand même curieux, tu vois, cette propension des Guillaumes. Petite Aya va naître. Et elle va naître dans la clinique où moi, j'aurais dû accoucher de Victorine quand on avait quitté les Lilas. C'était une clinique aux Lilas. Pourtant, ils n'habitaient pas là. Mais bon, c'est là que ça s'est fait. Une nouvelle famille commence. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Petit Jean, lui, a choisi de faire Archie, comme son père, mais pour le délire. Ah bon ? Pour le délire, parce qu'il a un copain qui s'est inscrit en archi et qui trouve que c'est vraiment trop marrant. Donc il s'est inscrit pour le délire. Mais il va continuer sans délire jusqu'au bout et il aura son diplôme. Mais entre-temps, nous, on décide de quitter la région parisienne. On a acheté une maison en Bretagne depuis déjà 5 ans et c'est là qu'on veut vivre. Dans les Côtes d'Armor, il n'y a pas plus beau. On a fait faire des travaux dans cette maison qui était une maison médiévale et qui avait bien besoin de travaux. Et notre rêve, c'est d'y vivre. Et on essaye de convertir la clientèle bancaire qui a des agences également en province et puis de se faire son trou. Donc, en 95, on quitte vraiment la région parisienne. On met la maison en vente. Jean est dedans. Il la squatte avec les copains. Ça devient monstrueux. Et de là où on pensait en tirer une certaine somme, on la bradera un an et demi après. Mais bradée vraiment, parce que c'est devenu innommable. Mais bon, c'est pas grave. Comme dit l'autre, c'est pour le délire. Et... voilà, donc on vend la maison, on finit par vendre la maison de Châtenay. La maison de Tréguier, nous l'adorons. Elle est belle comme tout, Tréguier est beau comme tout, il y a une cathédrale, on a un jardin qui va devenir une merveille. Il y a la mer là, il y a les rivières qui coulent, il y a Ernest Renan qui est né à Tréguier, qui est l'âme de Tréguier, il y a Saint-Yves qui est l'âme de Tréguier aussi. Donc, contraste. Ernest Renan et Tréguier et Saint-Yves. Mais nous, on fait partie des deux, bien sûr. Bon, on s'éclate et on fait partie de tout. On devient irlandais, on va en Irlande, on devient irlandais, j'entends par là qu'il y a une association irlandaise, donc évidemment on adhère, on fait plein de trucs, on rencontre plein de gens, on reçoit plein d'artistes à la maison, quand il y a des concerts, on les héberge, enfin c'est très sympa. Et une vie passionnante, vraiment passionnante, on devient membre du comité Renan, on fait des universités d'été, on crée l'université du temps libre pour le troisième âge. Bah, tu sais, c'est les trucs de vieux. L'université senior, tu organises des conférences et c'est pour les seniors. Et tu fais venir du coup des conférenciers intéressants, tu as des programmes et tu rencontres plein de gens intéressants. Enfin, c'est sympa. On fait connaissance de Catherine Lalumière, qui était la vice-présidente du Parlement européen, qui avait été ministre de l'Europe sous Mitterrand, qui nous invite avec une dizaine de membres d'associations à venir à Strasbourg visiter le Parlement et tout. Enfin, génial. Une vie intellectuellement très intéressante. Et écoute, quand Victor cesse de travailler, c'est pas compliqué. J'ai 56 ans. Donc, j'ai 50 ans. Oui, c'est ça. On part, j'ai 50 ans. Et à 56 ans, lui, il prend sa retraite. Alors moi, je prends ma retraite. Qu'est-ce que tu veux ? Puisque de toute façon, je ne suis pas payée, ça ne va pas changer grand-chose. Et pour qui travaillerais-je ? Mais, bien entendu, retraite active, on s'occupe de tout, on fait tout. Et il lui faut beaucoup d'occupation, Victor. Il faut qu'il soit 100% occupé. Donc il est 100% occupé. Et ça sera toujours comme ça. Après, ça sera la musique, enfin, il y aura toujours des choses. Donc, on a une vie passionnante. On va en Irlande plusieurs fois. On organise... Moi, j'organise avec ma copine américaine, Barbara, qui est retournée vivre aux États-Unis. Elle vient avec un groupe de nature printers. Tu vois, le nature printing, c'est les empreintes naturelles. Avec des fleurs, des végétaux ou du poisson, avec de la soie ou du papier, tu fais des empreintes colorées sur un support. Et elle fait ça depuis des années. Et cette année-là, c'est elle qui organise le stage. Donc le stage, elle dit, pourquoi pas à Tréguier ? Parce que là, j'ai mes entrées. Et moi, j'organise tout ça et c'est passionnant. On va à Roscoff, au CNRS... pour qu'elles aient du poisson en suffisance, pour faire des empreintes de poisson. Enfin, tout ça, très passionnant. Voilà. Donc, vraiment une vie intense pendant 15 ans. Et puis, le comité Renan, du coup, ne se contente plus d'organiser des choses, mais des voyages sur les pas de Renan. Alors, on découvre la Pologne, parce que la sœur de Renan y a vécu, y a travaillé en tant que gouvernante. Et c'était passionnant. On va à Florence avec des concours de circonstances incroyables. La conférence a lieu dans un palais florentin que Victor a étudié et avait rendu comme devoir de vacances à l'époque où il faisait archi. Non mais Victor est l'homme de concours de circonstances. C'est des hasards fabuleux. Il y a plus que du hasard. Et tout comme ça. Et après, on est allé à Rome avec ce groupe. On a fait plein de voyages avec eux. C'était génial. Même quand on n'habitait plus que Tréguier. Alors, on a quitté Tréguier parce qu'on voulait se rapprocher de Jean, notre petit dernier. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Jean, qui en fait n'a pratiquement jamais exercé son métier d'architecte, a choisi de créer un collectif, de devenir paysan boulanger et musicien. Bon. Donc, entre autres, mais en même temps, menuisier, ébéniste, pas ébéniste, maçon, enfin, il sait tout faire, c'est pas compliqué. Donc, ça nous plairait bien d'aller dans ce sens. Alors, on s'installe à Châteaubriant, qui est à un quart d'heure du lieu où il est. Et pendant 10 ans, on a acheté une maison dont on a fait quelque chose de ravissant. On l'a acheté beaucoup trop cher et je suis en train de la vendre beaucoup moins cher alors qu'on y a dépensé énormément d'argent. Mais c'est pas très grave, on s'en débarrasse. Et donc là, on est une sorte de la fenêtre en forêt, tu vois, qui donne un titre d'un auteur très connu qui permet aux frères et à la sœur d'être pas loin de Jean. Mais nous, quand ils ont envie de voir leurs frères, parce que c'est sommaire, hein, l'habitation chez Jean. Donc nous, on est l'endroit où tout le monde peut se réunir, parce qu'on a une grande maison et on peut accueillir tout ce joli monde. Il y a plein de chambres. Et ben, quand il y a des fêtes, on tient la caisse ou n'importe quoi. Enfin, on est toujours prêt à aider, toujours. Et puis, ou à héberger. Et c'est là que ma fille va se marier, avec Sylvie. Et nous, on peut abriter la belle famille et tout ça et tout ça. C'est un lieu privilégié qui nous permet d'être près et loin. Pas dedans, mais pas loin. Et tu vois, par exemple, quand pendant plusieurs mois, il a eu une crise de sciatique abominable, mais abominable. Il pouvait et c'était là que ça se passait, hein, mais bon, c'est bien connu. Eh bien, il était chez nous, avec confort. Parce que là-bas, ce n'était pas vraiment le confort. C'était un vieux manoir déglingué. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus confortable parce que des tas de choses ont été aménagées. Moi, j'y passe des mois. Il m'a fait un appartement magnifique, gigantesque par rapport à mon studio des Anglais, 21 mètres carrés. Il n'y a rien à voir. Enfin bon, voilà. J'aime bien venir chez Jean, c'est vraiment la campagne. Et donc, voilà, Jean a fait sa vie là. Victor, bien entendu, il va bien s'impliquer dans quelque chose. Alors, il s'est énormément impliqué dans la musique, énormément, parce qu'il faut qu'il sache tout sur tout. Donc, il fait des fiches, parce qu'au départ, il ne sait pas. La musique, il connaît les trucs connus, quoi. Mais il va s'intéresser aux classiques. Parce que c'est... Ah, mais ça, déjà, à Châtenay. Donc, on a une discothèque, mais fabuleuse. Tu peux pas imaginer, c'est magnifique. Elle existe toujours. Elle est chez Jean. Et il se met à adorer ça. Et il étudie le moindre compositeur dont personne n'a jamais entendu parler. Mais lui, il a fait sa fiche. Et il sait exactement tout ce qu'il a écrit. Tout. Pas de problème. Et après les disques, on passe au CD. Et après les CD, ben, après il meurt. Alors voilà, donc il n'y a pas de suite. Mais sa discothèque est intacte. Il y a une partie des CD qui sont chez Victorine. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que nos trois enfants, qui au départ n'étaient pas du tout branchés musique classique, ils en entendaient à la maison, mais eux, ils préféraient écouter leurs trucs. Eh bien maintenant... Ils continuent d'écouter leurs trucs, ils sont calés dans tout. Et ils sont, mais mordus de classiques. Donc, toute la collection quasiment de CD est chez Victorine. Et c'est France Musique du matin au soir. Chez Guillaume, c'est pile pareil. Et chez Jean, c'est pile pareil. Et c'est marrant, hein. Alors, Jean fait beaucoup de musique. Contrebasse. Guitare, batterie, enfin batterie il a laissé tomber, ça fait longtemps qu'il n'en fait plus, mais il organise des concerts chez lui, alors c'est pas lui qui joue, mais on lui a confié un piano qui est déjà ancien, et à condition qu'il en fasse profiter d'autres, donc il organise des concerts à la saison automne-hiver, le dernier a eu lieu il y a 10 jours, merveille. Et on fait venir des vrais artistes. On arrive à avoir 80 personnes dans sa salle, chacun au chapeau, et ça nous permet de payer les artistes. Moi, je présente les artistes, et ça a un succès fou. Et après, chacun apporte un petit truc à bouffer, un petit truc à boire, et la soirée se prolonge agréablement. C'est très convivial et très agréable. Et il y a des gens qui viennent, mais qui n'iraient jamais dans une salle de concert. Et d'autres qui sont au contraire des mordus de salle de concert et qui sont ravis d'avoir une autre approche. Et les artistes sont enchantés, parce que là, il y a une vraie ambiance. Et ils disent, oui, bon, c'est beaucoup plus marrant de venir chanter chez vous que d'aller des vrais à l'opéra machin. Non, c'est drôle. Et toi, tu joues de la musique ou pas du tout ? Pas du tout, okay. Mais j'adore. Mais ouais. En fait, moi, je suis le contraire de. Je ne suis pas active, je ne suis pas une créatrice, mais je suis une amateur. Alors, j'aime l'art, évidemment, j'ai été élevée dans la peinture et la sculpture, donc j'adore voir de la beauté, j'entends. J'adore entendre. J'ai vraiment une bonne oreille, enfin j'entends de moins en moins, je veux dire, la surdité me gagne, c'est normal à mon âge, mais j'entends immédiatement ce qui est faux. Donc, et à l'époque où je fumais moins, parce que maintenant je ne fume plus bien sûr, mais j'ai quand même beaucoup fumé, j'avais une jolie voix. Donc je chantais, j'en suis fort aise, et bien, danser maintenant. Et donc, j'adore ça, quoi. Les opéras, la musique de chambre, les symphonies, tout ce que tu veux. J'aime pas tout, bien sûr, mais j'ai mon goût. Je voudrais pas être prétentieuse. Mais c'est ça, j'accompagne. Mais je ne suis pas du tout créative. Amateur de bonnes choses, amateur de belles choses, amateur de beaux sons. Oui, voilà. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Et notre petite fille, j'ai oublié d'en parler, mais elle a grandi entre-temps. Oh, tu te rends compte? Elle va avoir dans quelques jours 33 ans, l'âge du Christ. Elle est pionne au lycée dans lequel elle a fait ses études. Aya, ma petite fille, habite Nantes. Et eux habitent Clisson. En fait, ils sont devant Clisson. La barre, la plaque Clisson est là. Et eux, ils sont là. Mais pendant quelques années, ils ont habité Clisson. Ça leur a beaucoup plu. Ils étaient locataires. Ils ont voulu acheter. Et ils ont trouvé juste côté Vendée, il y a la plaque Clisson. Ils sont dans un autre lieu qui s'appelle Cugan et qui est vendéen. Mais pour eux, c'est Clisson, voilà. Et donc, elle est au lycée de Clisson en tant que pionne chargée de l'internat et de l'éducation sexuelle et de plein d'autres choses. Elle les aime bien, ces filles. Elle s'occupe des filles et elle sait être respectée. Alors, ça me fait drôle parce que, bon, il n'y a pas si longtemps, elle faisait le mur quand elle était chez moi pour... Mais bon... Et elle est très productrice, elle est très artiste. Et elle va faire une expo. Elle a exposé il n'y a pas longtemps. Et tout le monde a acheté des trucs. Elle est adorable. Elle est très gentille. C'est ma seule petite fille. Et elle aime bien sa mamou. Et quand Guillaume était tout jeune, peut-être 8-9 ans, il nous avait fait un petit compliment. Tu sais, genre « Faites des mères » ou « Faites des pères » ou je sais pas quoi, un petit poème. Et ça se terminait par « Et quand je serai grand, je vous ferai grand-parent ». Et il n'a pas manqué. Parce que si j'avais dû attendre les autres, j'aurais attendu longtemps. Papoterie, un podcast retour sur la vie. En 2020, un petit peu avant, quelques années avant, Victor est diagnostiqué Parkinson. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et puis, Parkinson, c'est une saloperie. parce que ça finit par toucher les centres plus que nerveux. Ça va un peu dans la tête et il y a des comportements erratiques. C'est pas évident du tout. Tu vois, c'est pas le plus extraordinaire de sa vie. C'est pas ça qui demeure. Mais la fin de vie n'est pas géniale et ça donne un coup de vieux à l'accompagnant. Parce que les nuits qui n'en sont pas et les journées qui sont en fait... le Covid, je ne l'ai pas vu passer. Moi, j'étais de toute façon assignée à résidence. Alors, il y avait le matin les adorables aides-soignantes qui venaient faire la toilette et s'occuper de lui, et le soir. Et donc, ça me donnait une petite liberté pour aller prendre l'air deux fois. Et puis voilà. Donc, moi, vraiment, on peut dire que le Covid ne connaît pas. Et donc, il finit par mourir. Mais enfin, je ne vais quand même pas me mettre à pleurer. Donc, Victor me quitte. Et nos trois coucous sont là, adorables. Et donc, on a ce petit studio à Paris depuis toujours. Eh bien, c'est le moment où ça nous servait de pied à terre. Mm-hmm. Eh bien, ça me sera un domicile. Il est à côté des buts de Chaumont, au-dessus, à la station Bozzaris. Et voilà. Et c'est ces 21 mètres carrés que ma belle-mère avait acheté pour faire un placement en 68, qu'elle a loué pendant des années pour avoir un petit revenu, et qui donc nous est revenu, et qui, enfin nous, à mon mari, puisqu'on était mariés sous le régime de la séparation, parce qu'on leur avait dit à l'école d'archi, si vous avez des problèmes, ne mettez pas toutes vos billes dans le même panier, sinon la famille sera sur la paille. Donc, soyez bien prudents. Donc, on a toujours mis en séparé, mais on est toujours propriétaire des mêmes choses, sauf ce qui est nommément son héritage de ses parents, donc de sa mère. Donc, c'est pour les enfants. Mais j'ai l'usufruit de Chateaubriand, de ma part, de sa part de Chateaubriand. Donc, ça va être signé, la vente de Chateaubriand fin février, début mars. Voilà. Donc, je n'aurais plus aucun souci de ce genre. La vie à Paris, reprend. Moi, je suis faite pour ça. Oui, mais ça et fait en même très temps, longtemps que vous n'avez pas vécu à Paris mais oui. quotidiennement. Mais non seulement ça, mais quand tu es écolière, pas la même vie. Quand après, salarié en banlieue, pas salarié, je veux dire, travaillant en banlieue. À Paris, tu viens pour le boulot, mais tu viens pas pour te distraire. Tu n'as pas le temps. On avait des abonnements à Radio France, mais... le soir, donc on venait de Châtenay pour écouter des concerts, etc. Mais bon, quelquefois, on était même trop crevés pour venir. Tu vois, c'était pas du tout... Alors que là, j'en profite à fond. Et en même temps, je prends le train, je vais chez Jean, et je profite à fond d'une semaine, un mois de campagne. Et du coup, tu me disais que t'es tombée sur Canopy dans la rue par hasard. Par hasard. T'es rentrée. Je suis rentrée. Ouais, okay. J'ai vu une expo. Et bon, je me suis dit, tiens, cet endroit, il est atypique. Et il y avait un livre d'or. Et on me fait signe, si vous voulez vous inscrire, pour vous être tenu au courant. Ben, j'inscris. À l'époque, j'ai dû mettre mon téléphone et mon email, qui a changé trois fois depuis. Et donc, comme ça, je suis devenue canopienne. Mmh. Tu te rends compte, le hasard, comme il fait bien les choses. Et pourquoi j'ai pris la rue Pajol? Parce que je m'étais dit, allez, on va être... Aller tout droit, traverser le 18e, je finirais bien par tomber sur le 19e, puisque moi je suis dans le 19e. Mais la vie est une suite de hasards merveilleux. C'est comme ça que j'ai rencontré Victor, c'est comme ça que j'ai plein de choses. Et je suis en relativement bonne santé. J'ai mes jambes, j'ai mes bras, j'ai mes yeux, j'ai mes oreilles. Tout ça, ça baisse, mais ça marche. J'ai trois enfants qui m'adorent, que j'adore. Avec lesquels on est vraiment en contact, c'est quand même la belle vie. Et en plus, aucune peur de la mort, puisque je vais les retrouver, tous ceux qui m'attendent là-haut. J'y crois. Mais je ne suis pas non plus... Je suis très sceptique quant à plein de choses. Mais ça, on a des preuves d'une vie après la mort. Donc, ça, j'en veux. Puis après, bon... Ce qui m'ennuie, c'est de faire de la peine aux enfants, parce qu'ils sont aussi ils ont autant d'émotions que leur mère. C'est des émotifs, c'est des sentimentaux. Mais il faut qu'ils comprennent que ça fait partie des choses qui arrivent. Voilà. Bon, moi, je pense que je t'ai pris suffisamment de ton temps. Bah ouais, mais c'était super, franchement. Bah finalement, bah ouais, on en est venu là. Ça va. C'était Papoterie, un podcast retour sur la vie à l'espace Canopy.